Là, on va t'expliquer ce qui va se passer. Parce que c'est un peu irrégulier. Quoique, dans ce genre d'émission-là, tout ce qui est irrégulier est très régulier. c'est la dernière. C'est la dernière. Appelez tous vos amis, toutes vos amies féminines, masculines, intermédiaires et autres, pour leur dire, écoutez, il y a une grosse nouvelle qui vient de tomber là sur CKRL. Rénal Gagné, en ce 2 septembre, propose sa dernière émission. C'était impensable, il nous l'a même pas dit. Hey, attention là. Oui, c'est ma dernière émission. Mais de mes invités de la QV 2018-2019, la semaine prochaine, c'est les gens qui ont accepté en 2019 de me rencontrer. Donc, ça fera le circuit annuel de 2019-2020. Donc, ce soir, ma dernière invitée de l'année dernière. Préparez-vous à tout. L'errance rénaldienne se dessine. Aujourd'hui, le lundi 2 septembre 2019, monte le volume et hume la différence car c'est parti mon kiki. Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénaldienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bain-fumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Rénald Gagné! On me pose souvent la question, comment t'y prends-tu pour préparer ta dernière émission de cette QV 2018-2019? De 1, pas de pleurnichage. Ah, ça sert à rien de pleurnicher. Il y a une continuité la semaine prochaine, donc tout n'est pas terminé. C'est comme une petite mort qui va naître sur autre chose. Donc. Mais de 2, à de 2, et je répète, à de 2, il te faut de la musique solide pour clôturer cette expérience exceptionnelle que fut mes rencontres 2018-2019. Avec qui? Avec qui? Avec qui? Ben avec qui on peut se fier pour faire monter un spectacle? Ah, moi, excuse-moi, je suis en train de réfléchir, moi, là. Tu sais, les escaladeurs, les escalateurs, les gens qui font de l'escalade, eux voient toujours la cime, le zénith. Regarde pas en bas, là. Fait que moi, si je regarde en haut, ce que je vois, c'est une tête. Pas n'importe quelle tête. Une tête de moteur. Night is mine, it burns so black, and there will be no Amène-le, mon renard! Est-ce qu'on peut baisser le son? Je crois que ça va déchirer un peu trop. OK, comme ça, ouais. Je t'amène, toi qui es le spécialiste. Ben, spécialiste, mécanicien, spécialiste. Ah oui, t'es le plus grand. Je suis le plus grand. Merci beaucoup, là, mais... C'est temps de... gentillesse que j'ai bien peur que le pot va arriver. Ah non, parce que je t'amène mon scooter. Qu'est-ce qu'il y a, ton scooter, mon petit champion? T'es heureux, t'en parles tout le temps, hein? Tu vas dans les bars, tu dis mon scooter, je t'ai toujours dit. Sois discret. Comment ça? Ben, quand tu vas dans les bars, faut pas que tu dises que tu conduis un véhicule. Comment ça? Ils vont te vérifier. Comment ça, ils vont vérifier? Arrête de dire comment ça. C'est, écoute-moi. Travaille dans ce milieu-là, mon œil. T'es en mécanique. Si t'as une voiture, ce qu'ils vont faire, ils vont regarder si tu bois beaucoup. Si tu bois beaucoup, avant de partir, hein, il y en a toujours deux, trois petits crotés, là, qui vont vérifier. Petits crotés? Ben oui, tu sais, les petits les puristes, là. Si t'as l'air un peu bizarre. Ouais, mais hey. Voyons, je prends juste la boisson gazeuse. Mais boisson gazeuse, la bière, c'est gazé! Ouais, mais c'est pas... Non, c'est pas même affaire, OK? Mais fie-toi sur moi. Dis jamais que t'es en véhicule. Ben oui, mais j'ai mon casque. Ton casque. Ben, pas un casque, un casque. T'as un casque? Non, j'ai un casque. Quel genre de casque? Comment tu dis ça, casque? Casque. Veux-tu me le redire? Casque. Manon vient danser le skax. Vendons ton nouveau bax. Oh, vient danser ton skax. T'en as pas plein ton casque? Non, j'en ai plein mon casque. Oui, c'est ça. Ils vont te voir, excuse-moi, j'ai le gorgoton asséché, là, parce que moi, je sors de bois. C'est sûr que la voiture la plus belle, Transam 82, qui est appartenu à qui? À toi? Non, ben oui, elle m'appartient, t'as tout à fait raison. Mais à l'origine, ça a appartenu à un acteur de cinéma aux États-Unis! Ben voyons donc, toi, qui? Quoi, si je te le dis, ça reste entre nous? Ben, est-ce que je peux en parler à la radio? Jamais! Jamais je t'annonce quelque chose, je veux que ce soit on est entre amis, si tu viens me voir! T'as un problème mécanique, c'est avec ton scooter! En plus, ça me surprend, là, t'es rendu avec un scooter à gaz, là? Je vais t'expliquer ça, je vais dire, comment ça? Explique-toi! Non, je vais te relater tout ça plus tard. OK, tu veux savoir, hein, à qui appartenait ce véhicule de... Tu l'as pas vu, là? Tu l'as pas vu parce que je le place dans mon garage? À double amour, je le barre, là. Hey, c'est boss, des portes, là, coulissantes. Puis c'est comme un coffre-fort. Tu sais, si tu rentres à CQRL, connais-tu CQRL? Ben oui, c'est la première radio communautaire francophone au monde. Bravo, mon champion! Si tu rentres à CQRL, tu t'en vas dans le fond. Le grand Manitou se trouve dans le coffre-fort. Ça, c'est fort. Là, il sort de là, il est pas prétentieux pour 5 cents, ce gars-là. La prétention, ça fait même pas partie de son vocabulaire. Il sort de là bonnement, tout bonnement. Comme n'importe qui sort de son lieu de travail, mais lui, il est dans le coffre-fort. Il en a pas fait une histoire. Il en parle pas à tout le monde. C'est pour ça que quand tu rentres dans un bar, alerte. Aucun soupçon. Ça, c'est un conseil. C'est un conseil. Mais tu fais ce que tu veux. Ben oui, mais écoute bien. Moi, t'expliquer. Ouais, écoute, explique-moi ce qui va se passer. Non, mais quand j'arrive, moi, dans le bar, oui. Ben, j'ai un casque. Ouais, t'as un casque? Oui, ben, j'ai un casque. Et ce casque-là prouve que j'ai un scooter. Mais non. Tu peux arriver en vélo, mais avec un casque comme ça. Avec n'importe quel casque, c'est de tel casque, c'est parce que quand tu te vois dans les cas, quand tu prends tes pieds, quand tu t'as peu, tu te retrouves devant une piscine, tu mets quoi? Un casque de bain? Non, un casque de bain. C'est ça, un casque de bain. Mets-tu un casque de moteur, de scooter? Non, mais... Non, c'est chaque casque. Dis ce que tu fais dans ce que tu fais comme activité, ce que tu fais dans le moment présent. Hey, tu me fais peur, toi, là. Non, tu dis rien. Tu rentres là. Tout bonnement. Sans que les gens lèvent les yeux. Ah, mais là, je rentre dessus. Déjà, là, j'essaie de passer inaperçu, mais je suis pas caché. Je sais pas, il y a quelque chose là. Moi, c'est comme les aimants, tu sais, mais des aimants qui tournent, tu sais, les aimants contraires. Puis, je peux pas être incognito. T'sais. Je rentre avec un gaminet de CKRL, déjà là, gaminet. Personne ne connaît ça. Gaminet! C'est pas le nom d'un chat, ça là, non! Non, c'est Gros Minet. Ah, gaminet, ça n'a rien à voir avec Gros Minet! Ben, je sais pas, là. Si t'as un gaminet Gros Minet, oui. Si j'ai un gaminet Gros Minet. Ben là, j'ai changé malheureusement de tendre moitié parce que l'avant-dernière, là, celle qui est pas celle actuelle, on est ensemble là, 3 ans. 3 ans de bonheur, 3 ans d'amour, 3 ans sensuel, sexuel, intellectuel, elle gardait tout pour elle, puis elle a tout gardé après ça pour elle aussi. Ah! Ben là, aujourd'hui, tu sais, je suis allé à l'université. Ah, pas pour étudier. Non, comment ça, ça se dit quoi? Astré? Castré? Astby? Asby? Voyons donc, on est en train d'exploser. C'est quoi? A-S-T-D-Y. Ça clignote. Ouais. Non, là, vous pensez que c'est mon clavier? Non, c'est mon terminal de... C'est quoi un terminal de quoi? Ah, pour... je sais pas ce que ça veut dire. T'es-tu en train de mourir, toi, là, au prix que je t'ai payé? Mon insignifiant! Ouais, allume! Arrête d'astrer! Non, mais ça joue-tu? Y a-tu du son? Attends un peu, là. On va... c'est pas important, là, ce que je veux dire. Y a-tu du son? Mets le son. Là, y a pas de son. Bon, là, je sais que vous m'entendez, vous, mais c'est l'astré que je comprends pas. Home. Ah, OK, c'est revenu. J'ai même pas pesé sur aucun bouton. Mais c'est peut-être la normalité, là, hein. Avancez-vous, je pense que je peux pas parler trop fort. Ils sont à ma recherche. Ils savent qu'il se passe quelque chose de louche. Ben oui, mais... Non, arrête de dire ça. Tu m'amènes ton scooter? Oui. Fait que là, je te dis, dans un bar, là, tu parles de rien, tu fais incognito, tu passes inaperçu, c'est merveilleux. OK, tu peux côtoyer, puis moi, ben j'ai une blanche, ma copine, ma deuxième copine, pas celle-là, elle est partie toute avec malheureusement, mon cœur, ma moitié de cœur, mon autre cœur, puis ça, ma cœur. Ben, en tout cas, c'est ça. Et puis, maintenant, qu'est-ce qu'il voulait dire à propos de... Ah oui, tu veux mettre ton scooter? Ouais, il y a un problème de tête. C'est un scooter à essence, cette affaire-là! Ben non, c'est un scooter électrique. Ben ouais, mais il n'y a pas de tête après un scooter électrique. C'est des fils, c'est des comblages! Ça, c'est quoi, là? T'as-tu quoi? C'est des têtes de quoi? Ben, des têtes de moteur. Oh! Oh! Back on his throne, gazes at us in despair. 600 guests, humanity's best, are wondering why they are there. All roads lead here, all roads are burned. Have we digested the things we have learned? Have we a chance when the dead rise and dance? Have we the time for the final romance? We better find out of the future, frozen and grim, or of a quick death brought here on a whim. Why are we here? Does anyone know? Why are we here at the terminal show? The blind king has secrets, dark and morose. He'd like it if we were like him. All the dark days spent in a maze have made a new man of him. All roads lead here, all roads are closed. Are we quite certain of all that we know? Are we miscast, or do we hold fast? Have we the time for the final repast? We better find out the name of the game. Chance of a new world, sunny and fine, or of a burning, abandoned design. Why are we here? We don't even know. Why are we here at the terminal show? C'est Lorraine Côté? Mais non! Mais c'est Lorraine Côté qui vient de jouer! T'es-tu malade? Ça sonne-tu comme Lorraine? Ben, ça sonne comme de la musique, là. Je veux pas non plus dire autre chose que ça, là, mais ça sonne pas autrement. Mais non, c'est pas Lorraine. C'est qui, ça? C'est qui, ça? Qui? Ben, c'est qui, ça? Hey, arrête! Arrête, sois gentil. Si t'es pas poli, si t'es pas beau, ferme-toi là. Non, mais Lorraine Côté... Non, je te demande pas de Lorraine Côté. Qui jouait? Oh! OK! Tu fais partie des imbéciles notoires. Ah, très notoires. Tellement notoires que... Non, non. C'est pas juste notoire, là. C'est pas... C'est d'autres notoires aussi. Mais si ce serait ce soir, ce serait pas juste ce moment-là. Ce serait d'autres moments. OK. Peux-tu le répéter? Oui, mais... Oui, on n'a pas le temps. Ah, hey, merci, tu m'encourages. Tu m'encourages dans mon Elvis. Comment ça? En moi, à chaque fois que je veux aller dans quelque chose qui me titille, tu sais, qui vient me chercher, là, qui me torve. Et je répète, qui me torve. Veux-tu en faire un autre? On va te le faire beau, ton torve, OK? Qui me torve. Hey, c'est vrai qu'il est beau, mon torf. Peux-tu le refaire une autre fois? Hey, attends un peu. Là. On s'est pratiqué 2 semaines et demie pour que ton torf soit aussi torvant que ça. Ce torvant, ça n'existait pas. Mais tordant d'abord. OK, tordant que ça. OK, on recommence. Qui se torve? OK, 1, 2, 3. Qui se torve! C'est merveilleux! La technologie, Rénal Gagné, CKRL, Errance Rénaldienne, la dernière, on est 2 septembre, tout est beau! Et j'irai voir dans quelques jours, et c'est de là, les 7 branches de la rivière Ota, de Ex Machina, toute la belle structure de mon ami Robert Lepage, un show de 7h30. J'ai hâte! Là, ben oui, quand je parle de ça, ben là, c'est expérimental. Ben oui, Errance Rénaldienne, c'est quoi? Ben ça, c'est expérimental. Mental, oui, mais lui aussi, c'est très mental. Ben n'importe quoi, là, ça parle de Hiroshima. Marguerite Duras va faire un passage pour parler de son livre « L'amant ». Et après ça, elle va évoquer son amoureux les plus exceptionnels de sa vie. Et je sais que ça va être émotif à 100% parce que c'était là, à l'époque où on a fait exploser la... Il va le dire, faites-vous-en pas. Là! Non, mais c'est son côté mélodramatique. C'est pas mielo du tout, là! T'as entendu de l'écho, il n'y a pas de mielo là-dedans. C'est Hiroshima! Espèce d'inculte! Tu te souviens plus de ça? La bombe atomique! Céline Dion! Les cyniques! Font des chants. Marie-Claire Bozzi. Serge Gainsbourg. Tout ce monde-là, ça vient d'Hiroshima. Ben voyons donc. Non, mais ils ont survécu. Ben, ils étaient même pas là. Mais puis, ils ont survécu quand même. Ils auraient pu être là en spectacle. Ils auraient pu être là de corps pour aller visiter Hiro. Mais ils étaient pas sur Hiro. Parce qu'Hiro, à cette époque-là, c'était pas touristique. Aujourd'hui, non. Ben, ça l'est, mais pour les historiens, tu sais, les gens qui veulent comprendre pourquoi, du comment, du pourquoi ça va comme ça, puis c'est devenu de même, puis c'est pas changé depuis, puis c'est la même affaire, puis le cycle du temps, puis même si on en parle, ça va revenir, puis on modifiera rien, puis rien va se changer, puis ça reste de même depuis... Ça va rester le même jusqu'à la fin des temps. Donc, au début, c'était le même. Heureusement, je peux pas parler avec Adam et Ève parce qu'il y en aurait des choses à raconter. J'ai une bride, parce que j'ai des archives, j'ai une bride de conversation avec Adam et Ève. Je sais pas si vous voulez l'entendre, là. Y a-tu de l'intérêt? Vraiment, y a-tu de l'intérêt? Et principal, oh, la cigale est là. Il est fou. Non, mais j'ai Adam et Ève archives. Ben ouais, le magnétophone n'existait pas. CKRL n'existait pas. Rénal Gagné n'existait pas, mais j'ai des archives personnelles. Mais pas en val. Non, c'est, là, tu veux. Ben, lui, il veut faire venir des historiens. Est-ce que c'est vraiment. Ben non, c'est pas vraiment. Mais j'ai là. OK, tu veux priver le public d'une connaissance qui pourrait faire la une des journaux demain matin. T'es un imbécile notoire, comme d'habitude. Tu vas devenir premier ministre, toi, là. Continue de même. Tu risques d'avoir du grand succès. Il veut légaliser l'intelligence. Voyons donc! Les gens veulent rien savoir de l'intelligence. Plus t'es con, plus t'es malléable. Hein? C'est comme de la pâte à modeler. On te modèle. On suit d'autres moules. Comme disait Serge Gainsbourg, les cons sont faits aux moules. C'est un peu ça. Relax, cagoule. Relax, baby, cool. Les cons sont faits aux moules. Les cons sont faits aux moules. Il faut que je me marie, maman. Moi, mon histoire, c'est que je dois me replacer la chanson depuis le début. Donc, je vois le titre, Relax, baby, be cool, de Serge Gainsbourg, extrait de son album Reggae, aux armes, etc. Et là, je suis le reste de l'idée. Donc, je dois voir pour prévoir et pour divulguer. Hé, j'ai pas pris ça en note. Hé, monde, t'as-tu ton crayon? Ton crayon, la page, trois couleurs. Ouais. Tu te souviens plus de ce que... Qu'est-ce qu'il dit? OK, mais il y a un metteur en onde. Pouvez-vous reculer la cassette puis recommencer à l'endroit où il y avait pas de cassette? C'est pas enregistré. C'est pas de la radio. Qu'est-ce que... Ah! C'est du Motorhead! Couldn't get in. Alors, donc, si vous débutez ma rencontre, vous allez rien comprendre, même si vous le prenez depuis le début, c'est assez abstrait. Et c'est volontaire. Volontaire! C'est une chanson d'Alain Bachung. Mais, le mécanicien, il y a quelque temps là, que j'ai rencontré, il n'y a pas, il y a 15-20 minutes, tu sais, c'est lui qui me dit, ah, ben oui, mais là, t'as un scooter électrique, c'est certain que c'est pas, t'as pas de moteur là-dedans. Ben, il y a un moteur, mais un moteur électrique, mais c'est pas des têtes de moteur. Bon, OK. Mais là, quand je suis sorti de là, je me suis dit, ouais, mais un gars qui roule en scooter électrique, c'est-tu la moitié de moteur, de moteur? Est-ce que c'est la moitié de moteur, un moteur et demi? Oui, d'après moi, rapidement, là, tu sais, même si je réfléchis pas, que je mets pas mes neurones en diapason avec Vénus de Milo et les Gémeaux de Saint-Exupéry. Non. Alors, pour ce faire, à force de faire rire de moi en disant « Ah, t'as un scooter électrique! Ah! » Ben oui, mais là, hey, c'est bio, c'est écolo, puis c'est dans les années, hein, aujourd'hui, on n'est pas les e-riders, là. On a, malheureusement, à cette époque-là, on en a mis trop de gaz, puis qu'est-ce qui est arrivé? Ben aujourd'hui, on arrête de manger de la soupe au poids. C'est pas bon pour l'environnement. On dit qu'une vache qui lâche un vent, c'est très nocif pour l'environnement. Environnement puis vent, pas pire, hein? Je fais de la... Oui, sans le savoir. Mais là, je me suis dit, mon Rénal, ce que tu vas faire, achète-toi une Harley Davidson. Oh, là, Mme Tremblay dit, oh! Mais moi, ma Harley Davidson... Ce que je veux, là, simplement, c'est pas compliqué. Moi, ma vie est pas compliquée. C'est le monde qui la complique. C'est ça. On devrait dire ça, tu sais, lorsque je mourrai, là, dans quelques semaines, on sait pas. Peut-être dans quelques jours, dans quelques mois, dans quelques temps. J'aimerais qu'on dise, il la voulait simple, mais on lui faisait compliqué. Parce que c'est tellement... peu complexe, ce que je vous dis là. Je vais avoir une Harley Davidson électrique. Est-ce que c'est possible? Fait que là, je suis allé sur... Parce que tu peux pas aller n'importe où pour ça. Il faut que ce soit un concessionnaire d'Harley Davidson. Harley, je le connais pas. Fait que j'ai regardé dans l'annulaire. Un annulaire précaire, là, parce que moi, j'ai juste... j'ai le pouce, l'index, l'annulaire. L'annulaire est prêt tout le temps. Moi, j'ai toujours l'annulaire levé pour dire « Taxi! » Il passe à côté. « OK, va donc voir un autre taxi, t'sais. » Pourquoi on veut pas m'avoir, moi? J'ai de la discussion. C'est sûr que c'est pas toujours dans un sens qu'on aimerait bien l'entendre, là. Mais est-ce qu'il y a de la place dans une société? Hein? Puis ça c'est une réplique des ploufs que j'ai déjà dites, mais que je vais répéter. Y a-t-il, à ma version, là, y a-t-il une place pour l'absurdité au Québec? Parce que moi, là, ça fonctionne pas. Je deviendrai pas curé. Oh non, je deviendrai pas prêtre. Je deviendrai pas frère. M'a tout lâché, m'a devenir animateur des radios communautaires qui me plaisent. Y en a plein. C'est Coirel et la première. Il y en a d'autres que j'aime autant. Que je peux pas parler ici parce que c'est pas eux qui... Tu sais, c'est ça. Mais ça peut être loin, là. Ça peut être très loin. Et puis donc, parler de Vincent électrique, tu sais, au lieu de dire ça n'existe pas, dis donc pas ça, tout existe. Ça dépend de l'esprit humain. Entre tes deux oreilles. Y a-t-il quelque chose entre tes deux oreilles, madame Thibodeau? Moi, il y a de la tricotine, hein? La qui? La tricotine. La tricotine. On comprend pas. La tricotine. Oui, de la tricotine. OK? Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, tricot, tricotine, on tricote. On est une gang de femmes, puis on tricote. Il y a juste deux gars là-dedans. Pourquoi? Parce qu'ils veulent, bien sûr, nous apprendre l'intelligence des femmes. Oh, mon Dieu, quel homme, quel deux hommes exceptionnels. Ah oui, ah oui, ah oui. Ça, c'est le mari de Gaétane. Hey, ce gars-là, là, il a tout donné pour sa Gaétane. Il a même acheté la voiture de, tu sais, ton émission, là, qui a lieu actuellement, oui. T'as parlé d'une voiture ancienne. Ah oui, oui, oui, oui. À qui a appartenu cette voiture ancienne-là? Mon mari l'a achetée. Ah oui, ça appartenu à qui? À un grand comédien états-unien. Un grand comédien états-unien. Vivant ou mort? Ah, malheureusement mort. Hein? OK. Il a joué dans quel film? Mais je peux pas vous dire... Non, mais je peux pas te dire ça. Mais il avait les yeux bleus. Il était tellement beau. Ah, je le sais, c'est qui? C'est qui? C'est un comédien. Ah, non, non, non, non. Attendez, là, les yeux bleus. Ouais. Ouais, j'ai une idée, là. Il faisait quelle sorte de film? Ah, ben, il y avait des films d'action, mais des films très intelligents dans les prisons. Ah, oh, c'est Steve McQueen! C'est ça! C'est Steve McQueen! Bon. Êtes-vous contente? Très contente. Hey, j'ai la voiture de Steve McQueen. Depuis ce temps-là, je me couche en arrière. Ben, pas dans le coffre, là, mais en arrière, là, dans le banc en arrière, parce qu'il paraît qu'il rencontrait toutes ses épouses-là. Et il leur faisait des choses amoureuses. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, des choses amoureuses. Quoi, des poèmes? Il leur faisait la lecture de poèmes? Ben non, des choses amoureuses. OK, il débouchait une bouteille de champagne. Non, des choses amoureuses! Quelles choses amoureuses, vous voulez dire? Mais là, quand un homme et une femme, là... Ah, oh, pas la... Oui, la... Pas la chose, la... Ah, la chose, ah, la chose, la chose! Puis moi, avec mon scooter électrique... Mais oui, mais qu'est-ce qui se passe avec ton scooter électrique? Mais c'est ça, je sais pas! Moi, j'ai voulu avoir... Je suis allé voir le concessionnaire, Darley Davidson, en lui mentionnant « Monsieur Harley, est-ce que je peux vous appeler de même? » Il dit « Oui, pas de problème, pas de problème, pas de problème. Moi, on a rencontré des vedettes. Moi, Steve McQueen, là, tu parlais de Steve McQueen, j'ai rencontré Steve McQueen. Hey, Steve McQueen m'a dit en affaire, oui, c'est Steve McQueen. Eh bien, hey, vous l'avez reconnu comment? Ben, ses yeux bleus, puis il me dit « Je suis Steve McQueen. » Ah, ah, ah, ouais, mais là, il n'y a pas grand-chose. Hein. Ah, ah, mais il fallait le connaître, là. Moi, j'ai vu tous ses films. Son dernier film, c'est... C'est un film. C'est un film! Je l'ai vu, ce film-là. Puis? Ah, il a pleuré parce qu'il y a un enfant de toute fin. Puis, à la toute fin, dans sa vie aussi, il y avait un enfant, puis il était atteint d'un cancer. Il savait que ça, qu'il allait mourir. Donc, c'est un film qui est... Qui est beau, qui est très beau. Ah, il y a des images, puis il y a de la parole, puis il y a Steve McQueen, puis il y a sa femme, là, qui était là, là, sa vraie femme, sa comédienne femme. Tu sais, c'est comme quand? Mais c'est comme quand, tu sais, la vie dans un film, le film dans un... C'est ça, c'est... on appelle ça, comment t'appelles ça, toi? Ben, j'appelle ça une belle histoire d'amour. Une très belle histoire d'amour, mais ça n'a pas ce terme-là, là. Plus universitaire. Ouais, ben là, plus universitaire. Fait que là, qu'est-ce que tu veux faire avec ton Harley Davidson, mon petit champion? Ben, j'aimerais qu'il soit électrique. Électrique! Mais pas à gaz. Ouais, mais parce que ce qui nous fait reconnaître de toutes les autres, là, c'est... Là, si c'est un scooter électrique, ça va faire ça. Moi, j'attends rien, mais c'est ça. Fait que Harley Davidson, ça peut pas être Harley Davidson. Électrique. Ça peut être. Est-ce que ça peut être les deux? Monsieur Ambidex! Non, non, non, hybride! Ah, oh, hybride. Attendez, m'en demandez. Hey, hybride Poirier! Est-ce qu'un scooter électrique peut être Harley Davidson hybride? Hybride! Et comment j'appelle ça? Ibibi, blibibli, blidi, blid. Les deux électriques pis à gaz. On peut-tu faire ça à gaz? À gaz, on le sait, on peut le faire, là. Il y a des concepts. Les concepts. C'est très Laisse-moi parler, toi, là. Ça peut être hybride? Mais. Moi, pas vraiment. Ça peut, le son, ça sortira pas comme... c'est ça. Note, excusez-moi, monsieur, là, mais vous êtes à la radio, on sait très bien. Vous êtes un être, peu connu, mais... presque peu connu. Mais on peut pas faire ça. Notre marque de commerce, c'est... Puis sinon, ben, c'est pas nous. C'est pas nous, puis si on se reconnaît pas au niveau sonore, là, c'est comme la radio, hein, vous faites vous connaissez ça. Oh non, mais je vais être un peu... Fédérateur, es-tu passé pour mon chèque, toi, là? Le fédérateur... pas de chèque. C'est pas fédérateur, pas de chèque, là. Monsieur Thibodeau, ça fait 2 ans qu'on attend son chèque, là. On va aller chercher son Harley Levinson, là. OK, c'est une histoire. Et puis, non, monsieur, là, on peut pas faire ça, mais, hey, j'ai quelque chose qui va vous... recrinquer, qui va vous rendre heureux. Puis pourquoi pas, c'est un petit cadeau de la maison. Ah, mais vous avez des cadeaux, mais même si je jette pas chez vous, le concessionnaire, même si t'achètes pas chez nous, parce que nous autres, on a du cœur. À marcher, à beaucoup marcher, tout autour de l'île. La nuit aussi, la nuit aussi. Celle jamais revue étant voulu, t'aurais dit piano, monte mes pianos sur mon dos. Pauvre Watté, pauvre Watté, on te dit fou, sot. Pauvre Watté, pauvre Watté, sot. Pauvre Watté, pauvre Watté, pauvre Watté. Sa beauté loue s'est fichée où, sous tes yeux que noie tout un vent salé, ça te fait penser à celle jamais revue et tant voulue. Qui te dit piano, monte mes pianos sur mon dos. Pauvre Watté, pauvre Watté, on te dit fou, sauf. Pauvre Watté, pauvre Watté. Pauvre Watté, pauvre Watté, pauvre Watté, pauvre Watté. On te dit fou, sot. Pauvre Watté, pauvre Watté, sot. Pauvre Watté, pauvre Watté, pauvre Watté. Aujourd'hui, le lundi, ne vous déplaise. En dansant la genèse. Aujourd'hui, non mais moi c'est 5 octaves à la fois. Nous aimions On dirait qu'elle chante sur Mars. C'est normal, docteur? Chantes-tu sur Mars ou sur Saturne? Puis si je suis sur Saturne, ma question est la suivante. Très important pour moi, là. Actuellement, pour la continuité de mon existence. Est-ce que je suis sur l'anneau de Saturne? Ouais. C'est compliqué. On peut pas... Ah, ça prend plusieurs... Voilà, rendez-vous. Bon, ça va me coûter très cher pour ça. D'accord. Alors, ça m'intéresse pas de savoir. Non. Moi, ben, non. Si vous voulez pas résumer, là, en deux phrases. Dites-le en nom. Gênez-vous pas. Vous êtes gêné? Depuis quand vous êtes gêné quand vous me dites que ça me coûte 350$ pour une rencontre de 45 minutes? M'envoyer un show de Robert Lepage, là, ça me coûte 145$ pour 7 heures. C'est qui est le malade? C'est-tu toi ou si c'est Robert? C'est toi! Bon. Oh, c'est sorti. Ça fait du bien. C'est comme un petit mouton dans le banc du gars. Oui, mais je crois que le théâtre vivant nous rend plus vivants que vous, monsieur. Et puis, ce n'est que... Ouais, c'est ça. C'est une approximation de ma réflexion anodine de la réalité singulière et compliquée que certains vivent et que la majorité vivent. Alors, donc... tu me sens, enfin, quand je descends, là... Quand je descends pour parler vers le bas, là, ça veut dire que c'est très sérieux. Là. Ah, je pensais... Leonard Cohen, quand il descend vers le bas... Ah, mais là, c'est du charme, c'est de la poésie. C'est un être extraordinaire qui nous envoûte et qui nous exprime sa réflexion. C'est comme toi. Ah, ben là, tu es trop flatteur. C'est flatteur, monsieur, c'est flatteur. Ah, je suis pas flatteur, moi. Moi, là, je suis un électricien. Un autre. Ah, ouais. Alors, aujourd'hui, le lundi 2 septembre 2019, l'errance. Les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. C'est la dernière de ma cuvée 2018-2019. Est-ce qu'on peut pleurer, monsieur? On a le temps de pleurer? Pas trop? Non, mais c'est humain. Les gens aiment ça quand on pleure. C'est... Non, puis... Ouais. Oui. Alors, j'y vais. Ouais, mais ça fait peur, hein? C'est psychédélique. C'est des pleurs psychédéliques. Le monde n'aime pas ça, psychédélique. Ah non, ce qu'ils veulent, eux autres, c'est du terre-à-terre. Fait que, est-ce qu'on peut pleurer terre-à-terre, s'il vous plaît? Ah ben, le mort est 6 pieds sous terre, puis ça peut pas être plus... Non, moi, je te dis, là, ça peut pas être plus terre-à-terre que 6 pieds sous terre, là. Quoique, je sais qu'il y a les intras qui s'intéressent à ça. C'est quoi un bruit d'intra? On n'a jamais entendu, hein? Avez-vous vu des films sur des intraterrestres? Pas beaucoup, hein? C'est plutôt des extras qui descendent et non pas des intras qui montent. Ah ben, un dossier à suivre, là. Combien a la grenade, les doigts de la grenade? D'un, c'est pas des doigts. Vous connaissez pas l'anatomie de la grenouille? Moi, je la connais. Je connais l'anatomie. Oui, parce que une de mes ex était en zoo. En tout cas, elle travaillait sur les animaux. Elle m'a trouvé impressionnant. Ah, intelligent pour un chimpanzé, troisième couche. Troisième couche, moi. Parce que ça me prend trois couches, sinon ça dégoule. Ah, mon Dieu Seigneur. Aujourd'hui, le lundi 2 septembre 2019, les errances rénaldiennes présentent plusieurs couches, oui, entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école. Bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un enchantement narratif, unissons-nous autour de mon invité qui était dans le milieu artistique et puis aujourd'hui qui est dans le milieu spirituel ou... Non, j'enlève le spirituel, qui est dans l'univers de la cartomancie... C'est mon avis. C'est mon avis, oui. À mon avis, c'est une dame extraordinaire, là. Puis, malheureusement, lorsqu'elle parlait, elle parlait pas très fort pour nous dévoiler des choses extraordinaires qui vous seront confiées dans quelques minutes. Milwaukee man led a fairly decent life, made a fairly decent living, had a fairly decent wife. She killed him, sushi knife. Now they're shopping for a fairly decent afterlife. The werewolf is coming. Fact is, most old bits are mixed reviews. Life is a lottery, a lot of people lose. And the winners, the grinners with money-colored eyes, eat all the nuggets, then they order extra fries. The werewolf is coming, extra fries. The werewolf is coming, you know. The werewolf's coming, the werewolf's coming. Yes, the werewolf is coming, Joe. I hear her howling, prowling on the hill. The werewolf's coming, Bill. Ignorance and arrogance, a national debate. Put the fight in Vegas, that's a $1 billion game. Revenue, pay-per-view, should be pretty healthy. The usual deductions, then it all goes to the wealthy. Still, the werewolf's coming. Yeah, the werewolf's coming. I'm not complaining, just the opposite, my friend. I know it's raining, but we're coming to the end of the rainbow. The lion and the spying through. Oh, you don't know me? Okay, I don't know you too. The werewolf's coming. Werewolf's coming. Stock up on water, canned goods off the shelves, and loot's on for the old folks, can't loot for themselves. The doorbell's ringing, could be the elves, but it's probably the werewolf. It's 11:45, and when it's midnight and the wolf bites, it's a full moon. J'avais mis ma description avec mon gabinet. Oui, mais je suis pas venue. Ah, ok. Alors, pas vu. Comment ça va? Bah bien, et vous? Excellent, merci, on se tutoie. À oui. La québécoise. Ben oui, exactement. Alors, vous avez, tu vois, plusieurs arcs. En tout cas, tu fais plusieurs choses à la fois. Tu travailles dans les médias, multimédia, beaucoup de... Et tu es aussi astrologue. Alors... C'est un petit peu plus compliqué que ça. Oui, oui, on a résumé rapidement, effectivement. C'est pour ça qu'on est ici, pour voilà. Éclaircir. C'est-à-dire, j'ai 48 ans. OK. J'en ai 52. J'ai commencé à 18, 19 ans dans les médias. OK. La presse. Je rédigeais des petites annonces. Les journaux. Je suis rentrée dedans. Jusqu'à mes 37 ans. 14 ans? 37 30, ans. Okay. Jusqu'à mes 37 ans. Après, je suis passée un peu plus vers l'audiovisuel, la télé. Et après, je suis passée consultante. OK. Télé. Après avoir eu autant de bagages, vous vouliez, tu voulais que ça se transmette. Voilà, exactement. Donc voilà, j'ai écrit, j'ai produit, j'étais les mains dans la boue, et puis à un moment donné, je me suis dit, bon... C'est terminé. Je vais faire des conseils médias, je l'ai fait, et... Est-ce que tu peux un peu... Est-ce que tu peux dresser qu'est-ce que c'est qu'un conseil média? C'est... Un conseil média, c'est... En gros, c'est des chaînes comme M6. Oui, Canal Plus, exemple. Qui viennent te voir, ou ta société, et qui disent, voilà, on veut faire telle émission. OK. C'est quoi le potentiel? L'auditeur qui risque d'écouter ce genre d'émission-là. Voilà. Okay. C'est quoi le potentiel? Mais comment fait-on pour en arriver à savoir ça? En fait, ce qu'on appelle des forums, à savoir... des gens qui sont potentiellement la cible et on interroge une vingtaine, une trentaine, okay. une quarantaine de personnes. Pour tenter le pouls un peu. Là. Voilà. Est-ce que c'est fiable? Autant que quelque chose puisse être fiable. OK. Alors ça peut très bien marcher comme ça peut ne pas marcher, dépendant de la personne aussi qui anime, si c'est pour une émission ou... Pas vraiment? Non, parce que ce qu'on retransmet est assez vrai. Okay. Après, c'est à la chaîne d'écouter ou pas. OK. Et ça, à un moment donné, tu en as eu ras-le-bol de ce genre de travail-là? Oui, parce que, par exemple, j'ai travaillé sur une émission et la chaîne m'a dit votre bilan, ça va pas du tout. Oh. On a acheté l'émission, si vous dites que ça va pas marcher, ça va pas du tout, on va recommencer tout. Moi j'ai dit, écoutez, mon bilan c'est que ça va pas marcher du tout. Ok. Ils m'ont dit, ça ne peut pas ne pas marcher du tout. Ah ok, eux avaient leur conviction et toi t'arrivais avec autre chose de plus négatif, mais comme ils croyaient trop au projet, ils se sont avancés. Ils t'ont pas écouté quand même. Et résultat... Le projet s'est planté. Non, vraiment. Ah ouais? Ils m'ont voulu... Non, mais toi, tu leur avais dit la vérité. Et c'est suite à ça que tout est... Ils m'en ont vachement voulu. OK. Est-ce que ça peut briser le goût de travailler dans ce genre de... ce genre de travail-là, à force de proposer des choses et de ne pas être écouté par les bureaucrates qui, eux, s'imaginent que tout est parfait et c'est toi qui es dans l'erreur. Est-ce que ça t'a un peu écœuré, entre guillemets? Oui. Ben oui, ben oui. Puis est-ce que ça ternit un peu le travail que tu faisais? Est-ce que ton nom a été un peu... Non? Non. Je voudrais un coca zéro, s'il vous plaît. Et donc, non, non, tu as pu continuer à faire ton travail? Non. OK. Alors, non, tu t'es arrêté là. Mais comment l'astrologie est rentrée dans ta vie? Elle a toujours été dans ma vie. OK. Mais comment on développe ça, le côté plus ésotérique? Parce que l'astrologie, c'est pas... scientifique, c'est quelque chose d'assez abstrait. Alors d'abord, j'aime pas l'astrologie. OK. Le terme astrologie, t'es... OK. Non, et puis en plus, j'aime pas. OK. J'ai eu une personne dans ma famille qui m'a dit... qui m'a éveillée un peu. Qui m'a dit, tiens, fais attention à ça, sois vigilante à ça. Toi, tu sentais quelque chose? Oui, mais tu vois, comme un enfant. Ah oui, OK. Et cette personne m'a dit, ben, attention, Et puis à 15-16 ans, j'ai acheté un... J'ai acheté un jeu... On m'a acheté, ou j'ai acheté, je sais plus, un jeu de tarot. Ok. Et là, j'ai commencé. À vouloir en apprendre davantage sur le tarot? Voilà. Ok. Et comment tu en es arrivé à travailler un peu dans ce milieu-là? Parce que, est-ce que... À partir du moment où j'ai eu ce jeu, j'ai commencé à le trimballer partout. Ok. Je voyageais, j'avais toujours mon jeu avec moi. Et à chaque fois, on me disait, mais pourquoi tu fais pas ça? Ok, on t'a comme éclairé. Voilà. Tout le temps, on me disait, mais pourquoi tu fais pas ça? Pourquoi tu fais pas ce métier-là? Et moi, ça me semblait très infaisable. Ouais. Et puis, un jour, plus de 30 ans après, je suis descendue, et j'ai rencontré quelqu'un que je connaissais depuis 20 ans. Okay. Qui m'a dit, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu travailles encore dans les médias? Et là, j'ai fait une grimace. Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire? Et là, j'ai dit, du tarot. Tu t'es lancé, là? J'ai dit, du tarot. En le disant, tu t'es pris à ton jeu et... Voilà, et voilà. Et le tarot, comment ça pourrait se décrire? Le tarot, c'est 22 cartes. Ok. Sur ces 24, chaque carte a au moins 20 significations différentes. À toi après de les adopter, de les faire tiennes, de les séparer. Mais dépendant avec quelle autre carte elle se trouve, ça veut dire autre chose. Bien sûr. L'interprétation se fait par la hiérarchie des cartes, c'est ça? Tu peux lire un peu comme dans un livre à travers... Il n'y a pas de hiérarchie. OK. Si tu tires la première carte, elle est aussi importante que la cinquième que tu vas prendre dans le jeu. Bien sûr. Mais à chaque fois que tu tires une carte, c'est jamais la même. Alors si tu m'en fais tirer, moi je vais en sortir, en révéler 5 ou 6. Et si tu brasses les cartes et je recommence, ça ne sera pas les 5 ou 6 mêmes. Ce sera toujours le même chemin. OK. Et est-ce que ça peut amener quelqu'un à faire des choix dans la vie, le tarot? Est-ce que si quelqu'un vit un moment nébuleux, on te rencontre et tu peux les éclairer? C'est le but. OK. C'est le but. C'est pas que je les influence, c'est que je vais les éclairer. C'est ça, tu les éclaires. Stranger to stranger, if we met for the first time, this time, could you imagine us falling in love again? Words and melody, so the old story goes, fall from summer trees when the wind blows. I can't wait to see you walk across my doorway. I cannot be held accountable for the things I do or say. I'm just jittery, I'm just jittery. It's just a way of dealing with my joy. It's just a way of dealing with my joy. It's just a way of dealing with my joy. It's just a way of dealing. Thank you. words and melodies, easy harmonies, old time remedies, all in good time. Although most of the time it's just hard working the same piece of clay, day after day, year after year. Certain melodies tear your heart apart. Reconstruction is a lonesome art, but I love to watch you walk across my doorway. I cannot be held accountable for the things I do or say. I'm just jittery, I'm just jittery. It's just a way of dealing with my joy. It's just a way of dealing with my joy. Just a way of dealing with my joy. Words and stranger, if we met for the first time, this time, could you imagine us falling in love again? Still believing that love endures all the carnage and the useless detours. Oh, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. Words and melody, easy harmony, words and melodies. Je veux pas en français. Mais sans leur parler, sans eux, si moi je vais te voir et je te dis rien, tu peux quand même savoir ce qui se passe en tirant les cartes. Ouais, mais j'aime pas. OK. J'aime pas parce que j'aime pas jouer aux devinettes. OK. Alors, tu veux que la personne te parle un peu? Tu viens chercher quoi en venant me rencontrer? Qu'est-ce que... OK. OK. Un minimum, parce que sinon, si on joue en devinette... Ouais, ouais, ouais. Mais... C'est pas très intéressant. Mais entre autres, les gens viennent te voir pourquoi? Est-ce que c'est pour le travail, l'amour? Il y a deux grands dossiers. Il y a le travail et l'amour. Après... Ça peut être le spirituel, ça peut être... Quelqu'un a un choix de maison, est-ce qu'on peut aller te voir et te dire, regarde, moi j'ai une maison à Reims là, qui pourrait m'intéresser, mais j'en ai un autre aussi à Bordeaux, et puis je ne sais pas laquelle choisir. Toi, est-ce que tu peux les diriger un peu vers ce... Oui, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. OK. Toi, c'est plutôt l'humain. Oh. Ouais. Est-ce que tu les tires pour toi-même aussi? Pas vraiment. Ça m'est arrivé. OK. Et puis? Ça m'est arrivé à un moment donné où j'étais très fébrile avec ça. Les résultats, ça ne me donnait rien. Ah? J'étais trop compulsive. OK. Maintenant que je suis devenue professionnelle et que j'ai... Le recul. Oui, je me l'ai dit. OK. mais je me tire une fois par an. Tu les tires une fois par an? Par an. Peut-être. OK. Et est-ce que tu peux analyser un peu ce que tu vois chez toi une fois l'année passée? Est-ce que tu peux dire oui, ça je l'ai fait, ça je l'ai franchi, ça a fonctionné? Est-ce que tu es autocritique? Est-ce que tu peux te dire là-dessus, j'ai pas eu. Je suis tout le temps autocritique. Et lorsque on te rend compte et que la personne est éclairée, on vient te revoir pour te dire hey, t'avais raison, t'avais entièrement raison, tu m'as bien dirigé. Et ça, c'est vraiment très important. C'est le côté humain aussi qui te plaît là-dedans. Ah ben c'est surtout ça. Mais à travers le tarot, est-ce que trois personnes qui font le même travail que toi peuvent arriver à des chemins différents? Ou s'il y a un consensus entre... Parce que tu me dis qu'une carte peut amener 20... Oh ben non, j'ai réfléchi à ta question. Oui. Non. Non. Non, parce que... Encore une fois, pour une carte, je mets 15 correspondances, okay. Par exemple. Après, c'est à moi de voir à quel niveau je suis. Est-ce que je suis en premier niveau, un deuxième, un troisième? La personne à côté de moi qui va être médium ne va peut-être pas anticiper ces niveaux et avoir les mêmes que moi. Alors, pour certains, ils pourraient avoir une négligence dans l'interprétation, tandis que toi, tu es beaucoup plus professionnel. Je ne suis pas plus, je ne suis pas moins. Disons que je fais les choses. Mais est-ce qu'il y a des cours en tarot qui se donnent? Est-ce que tu peux étudier le tarot? Est-ce qu'il y a une école de tarot? Alors, moi, je donne des cours d'abord très peu. OK. Pourquoi? Parce que c'est plus difficile à... enseigner? Oui, c'est très difficile, c'est fatigant. Oui. Et si je les donne, c'est à des gens qui sont déjà un peu instruits. OK. Voilà. OK. Mais dans l'interprétation que toi t'en fais, est-ce que tu peux avoir une autre vision 10 ans plus tard parce qu'il y a quand même des choses que tu as acquises? Est-ce que ça peut transformer un peu l'interprétation que tu en fais? Bien sûr. Au début, lorsque tu tirais les cartes, tu pouvais diriger quelqu'un, mais aujourd'hui, avec l'expérience que tu as, ça doit être tout autre chose. C'est beaucoup plus... Mais ça aide plus, c'est peut-être mieux maîtrisé. Les années font que... Oui, je suis très... Je fais très attention à ce que je dis. Voilà. Oui, parce que les gens s'abreuvent, hein? Les gens s'attendent à quelque chose. Et moi, je suis toujours là. OK. Est-ce que tu leur proposes ou si tu leur relates, tu leur racontes ce que tu vois? Est-ce que tu leur dis, ben écoutez, au niveau amoureux, ben ça se passera pas avant 2019? Ou si tu diminues un peu la charge émotive que tu pourrais leur dire parce que toi, tu lis quelque chose qui est quand même, qui pourrait être critique. Est-ce que tu peux minimiser pour pas que l'autre soit choqué? Parce que des fois, tu peux lire des trucs épouvantables. Bien sûr. Un cancer ou quelque chose du genre. Alors, comment tu fais pour minimiser? Parce que ton visage doit le dire, tu restes assez pragmatique. C'est une auto-censure. OK. Alors, la personne s'en va et tu te dis, ouais, elle va passer des durs moments. Si ce que je peux dire n'apporte rien, si ce n'est des bonnes nouvelles, je le dis. Si ce que je peux dire apporte quelque chose, je vais le dire. OK. Est-ce que les gens vont te revoir ou si c'est souvent une seule fois, on tire les cartes une fois, puis c'est tout? Est-ce qu'on vient te revoir? As-tu des clients fidèles? Les deux. OK. Alors, oui, les deux. C'est-à-dire que maintenant que je fais ça depuis quelques temps, Oui, tous les 6 mois, 3 mois, les gens reviennent parce que je leur ai dit quelque chose de vrai. Ok. Alors, ils veulent un point de détail, ils veulent un truc. Maintenant, je ne suis pas une psy, donc c'est pas toutes les semaines. Ouais. Ok. Mais est-ce qu'il y a des journées où tu n'es pas... Ok, t'as plusieurs rendez-vous. Est-ce qu'il y a une journée où tu te sens moins disposé à tirer des... Oui. Je dis non. Ah, t'annules. Tu appelles, tu dis, bon, on avait cédulé cette journée-là, mais non, je vais pas très bien. Donc, je vous rappellerai lorsque ça ira mieux. Oui, j'ai envie de le faire le jour même. Mais je peux dire, si quelqu'un prend un rendez-vous le mardi, dire, écoutez, j'ai déjà 2-3 rendez-vous. OK. Ah ouais. Non. Mais si tu as déjà un rendez-vous et tu te lèves un matin, tu dis, ah, aujourd'hui, là, on dirait que je suis pas centré, je suis pas... Est-ce que c'est déjà arrivé que tu annules à cause de ce que tu ressentais au lever et tu dis, ah, là, aujourd'hui, là... Et ça arrivait une fois et j'ai pas annulé et je me suis vraiment plantée. OK. La conscience professionnelle te disait, la petite lumière te disait, faut pas annuler, il faut quand même honorer... Et je me suis vraiment plantée, ça s'est très mal passé. OK. Oh. Alors, depuis ce temps-là, si tu sens que les vibrations sont pas... Est-ce que ça fonctionne toujours? Si tu vois quelqu'un arriver, tu peux te dire, ah oui, avec lui, ça va bien, on va bien s'entendre. Lui, c'est un peu plus difficile, parce que c'est sans doute qu'il doit y avoir des sceptiques qui viennent vérifier ce que tu leur dis. Ah oui, tout le temps. Alors, ça doit se sentir, ça doit se voir, parce que tu fonctionnes aux ondes aussi, il y a quelque chose... Non, je le vois tout de suite. Je okay. me dis que cette personne va me fatiguer, oui. me challenger. Et ça me gonfle. Je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que un mot qui revient souvent, c'est fatigue, parce que ça demande beaucoup d'énergie. Voilà, et si en face de moi, j'ai quelqu'un qui tout le temps me challenge. Et à un moment donné, ouais, j'ai envie d'envoyer chier, genre... Vous me posez une question, vous m'avez posé une question, j'ai répondu. Vous êtes satisfaite, vous en reposez une autre, vous êtes satisfaite. Et à la troisième, vous continuez de... Ah, OK. Il visse, là, il commence à jouer avec le... Ça va, je suis pas en impression, ouais. hein? Oui. Mais est-ce que ce travail-là est enrichissant pour toi, sans doute que oui, parce que tu rencontres plusieurs personnes, tu rencontres des gens qui sont fébriles, des gens qui veulent s'éclairer davantage sur des questionnements qui les taraudent. Qui les taraudent. Oui. Bah oui. Again, no easy trick without a guide or walking stick. Begin before the bells of twilight peal. Downhill town, the road ahead, spiral as a serpent's bed. A teaspoon of desire for my meal. I trade my tears to ask the Lord for proof of love. If only for the consolation of gazing at the stars above. Inside my skin, don't be afraid, Your days won't end with night. Feel the sun, drink the rain. Let your body heal its pain. Bathe beneath a waterfall of light. I trade my tears to ask the Lord for proof of love. If only for the explanation that tells me what my dreams are made of. Alors, t'es presque une source lumineuse qui rentre dans leur vie parce que tu vois à travers les cartes. J'aime pas le terme source lumineuse. Ça me fait beaucoup de... Non. J'aime pas ce terme. OK. Je les écoute. Et souvent, c'est des chants qui sont jamais écoutés. Et c'est effroyable à quel point les gens ne sont pas écoutés. Oui, oui. Est-ce que tu te rends compte que, en faisant ce métier-là, que, ben c'est, est-ce que c'est un métier? Oui. Oui. Alors, je vais te raconter une petite histoire. Oui. Quand j'ai commencé à être journaliste et à écrire pour la presse, j'avais un copain qui écrivait pour la presse et qui était vraiment extrêmement connu, qui écrivait pour un des titres français les plus. Ok. Et j'étais le voir, on était copains, je dis écoute, j'ai du mal, je me sens pas journaliste. J'avais 20 ans, 22 ans. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais comme métier? Je dis, bah, j'écris. Dis donc quoi? Bah, les journaux. Et il me dit, les journaux, ils te payent? Je dis, bah oui. Bah, tu es journaliste. Et voilà, faut pas compliquer les choses. Hein? Voilà. Il faut oser dire les mots, même si c'est des titres qui nous font peur. Alors, tu te considères autant journaliste que, comment on appelle les professionnels du tarot, c'est des tarologues. Des tarologues. Mais non, je suis plus journaliste puisque je ne suis plus payée pour ça. Oui, mais tu es payée au tarot, donc tu fais un métier qui est... Je suis tarologue. Tarologue. Et puis, à éclairer, peut-être pas éclairer, mais à essayer de trouver des solutions chez certaines personnes, est-ce que ça t'ouvre à toi-même est-ce que ça t'ouvre un peu les horizons à toi-même? Est-ce que tu te dis, ah ben, je viens de lui dire ça, mais je crois que je vais mettre en pratique ce qu'il lui a mentionné? Ben, bien sûr. D'abord parce que... Ça fait une école. Non, mais ce que je recommande, c'est les choses que je connais. Parce que tu l'as déjà pratiqué. Donc après, c'est un échange. Alors, il faut bien sûr que la personne qui te rencontre soit te fasse confiance. Il y a la confiance qui rentre en ligne de compte. Confiance. Parce qu'ils vont te raconter des choses quand même assez intimes. Quand c'est en amour, quand c'est la maladie, c'est quand même assez intime. Donc, il faut une confiance incroyable en la tarologue. Oui, c'est à moi de... De créer ça. Et oui, c'est à moi de créer ça, et c'est à moi de... En effet, c'est intime. Oui. Oui. Voilà, c'est très intime. Alors, c'est un privilège de rentrer dans la vie privée des gens. Et ce privilège-là, ils te l'ont demandé à toi, donc ça doit être très touchant. Je ne sais pas. Tu ne t'es jamais posé la question pourquoi on me le demande à moi et non pas à une autre personne? Les vibrations? Non, parce que j'ai pas envie. J'ai pas envie d'être prétentieuse et de me dire pourquoi m'ont-ils demandé à moi? Ouais. Ont choisi parce que ça fonctionnait. Les vibrations étaient bonnes. On parle souvent de vibrations, les vibrations étaient bonnes. Non, mais je sais pas, c'est... Qu'est-ce que tu veux que je te réponde? Ouais. Ils m'ont choisi parce que j'avais un beau profil. Je m'en tape. Est-ce que les gens te le disent pourquoi ils t'ont choisi? Alors, t'as pas besoin de poser la question, tu le sais. Moi, je sais. Est-ce que tout le monde peut tirer le tarot ou si... Ça demande un appel? Est-ce que c'est un appel intérieur? Comment ça se déroule? Comment on peut le savoir? Si les gens nous écoutent à la radio, comment peuvent-ils savoir que... Et j'ai réfléchi, pas de dire de bêtises. C'est des rencontres. Tu as un jeu tarot, tu as la personne, tu as un apprentissage, tu as une vision. Il faut que tous Je déteste, par exemple, les gens qui vont dire à d'autres gens « Toi, tu es médium. » Ok. En deux secondes. Il y a beaucoup de groupes sur Internet. Ah oui, les charlatans. Qui disent « Ah, mais toi, tu es médium. » Moi, je regarde la photo de la personne. Généralement, je n'interviens pas. Mais quand j'entends « Toi, t'es médium. » Je dis « Oh putain. » Ouais. C'est pas comme ça que ça se passe. Non, non. Alors, c'est un appel de l'intérieur et c'est comme ça que tu peux savoir que t'es... Oui, et puis c'est... C'est la vie qui t'amène à ça. Oui, il faut avoir un peu de détachement, il faut... Quand je me suis lancée professionnellement, c'était pas tout de suite. Je pense que si je l'avais fait à 30 ans, je n'aurais pas été capable de le faire. Ok. Ça demande une préparation. Oui, ou ça demande des trucs de vie, quoi. Il faut que tout soit germé, tout soit prêt, tout soit installé, et ça vient... Un peu, ouais. Ouais, ouais. Moi, je me suis lancée quand j'ai rencontré l'homme de ma vie, que j'étais posée avec lui, qu'il n'y avait pas de problèmes sentimentaux. Que tu étais équilibrée en un mot. Voilà. Ça demande l'équilibre pour pouvoir rééquilibrer les autres. Ben oui. Ah oui. Oui. Oui. Et ce que tu vois, c'est aussi le profond mal-être de plusieurs personnes. Redis. Le mal-être. Ce que tu rencontres, les gens qui viennent te voir, c'est des gens qui sont déséquilibrés, qui ont un mal-être, qui se sentent mal, qui sont en pleine réflexion et qui n'aboutissent pas. Donc, c'est très difficile. Oui, j'en ai un. J'ai beaucoup de difficultés avec lui. Ok. Et en fait, je l'envoie ailleurs. Parce que tu peux pas rentrer en communication avec lui. Non. C'est quelqu'un qui est hyperactif, oh. Qui est autiste, qui est... Qui a plein de pathologies. Et c'est trop. Toi, tu peux pas rentrer dans. Tu peux pas connecter. Tu peux pas connecter. Il y a plein de pathologies que je connais chez lui et que je reconnais. Qui... Mais là, non, et j'ai pas le droit de faire ça. OK. Ouais. Alors, ça demande quand même du professionnalisme hein, pour lui dire pas moi, je peux t'envoyer quelqu'un, je peux te référer à quelqu'un qui pourrait. Peut-être toi pourrais t'aider. Oui, mais encore une fois, comme je ne suis pas médecin. Ouais. Je ne peux que, parce que ce garçon a des professionnels, je ne peux que le renvoyer vers ses professionnels. Ok. Un point, c'est tout. Ouais. Ben, c'est déjà beaucoup. Peut-être c'est ce qu'il attendait. Hein? Quand même. Non, je crois qu'il a été... Pardon. Il a été déçu, mais... Moi, je pourrais rien faire. Mais moi, c'est honnête de lui dire, écoute, je veux pas faire, je veux pas que tu t'imagines que je peux t'aider, c'est pas vrai. Ah, je lui ai tout de suite dit, je dis. Army dude, only a son, nowhere to run. No one to turn to, he turns to the gun. It's a cross, it's a stone, it's a fragment of bone. It's a long walk home. A long walk home. Gonna be a long walk home from the riverbank. Vous écoutez Errance Rinaldienne sur CKRL MF, le 89.1 à Québec, avec Rénald Gagné. Je peux pas te dire, c'est quoi tes médecins, mais finalement, je l'ai aidé en l'envoyant vers d'autres. Ok, ouais. D'autres professionnels qui, eux, vont pouvoir l'aider davantage. Mais moi, je pouvais pas, et en plus, ça aurait été dangereux, parce que c'est quelqu'un qui est très fragile, et si j'avais commencé à toucher un peu d'ésotérique avec lui, ça lui aurait fait... Ouais, du flipper. Ouais. J'ai 10 questions et j'ai hâte de voir comment tu vas répondre à tout ça. Et ça me plaît beaucoup, ces questions-là. Si tu étais un liquide, j'ai 10 questions et c'est en fait de répondre si tu veux répondre. Alors, si tu étais un liquide, si tu étais un liquide. Un liquide? Oui, un liquide. Un liquide. Un liquide? Oui. L'eau de mer. L'eau de mer. C'est salé. Si tu étais une ville. Un village. Ah oui? Pourquoi c'est paisible? Tu n'as pas demandé pourquoi, je te réponds. Oh, tu veux uniquement dire le répondre aux questions. OK. Si tu étais une langue. Le latin. Ah oui, une ancienne langue, toujours. Ouais. On maîtrise mieux le français avec le latin, effectivement. C'est les racines. Si tu étais une époque. La belle époque. Ah oui, ben oui. Ouais, effectivement. Si tu étais un mot. Lali Colandal. Qu'est-ce que ça veut dire? À toi de le noter, de regarder. Oui, d'accord. Il faut falloir me l'épeler parce que je suis prêt. Lali, L-A-L-I-C-O-L-E-N-D-A-L. T-A-L? D-A-L. D-A-L. OK. Ensuite de ça, si tu étais un aliment. Un aliment? Oui. Le sel. Ah, et mais le ça citron. Ah, mais ça va avec la mer, le sel, c'est pas mal. Si tu étais une saison. Le printemps. C'est plus frais, hein? C'est beaucoup plus frais. C'est moins chaud. Je suis née au printemps. Ah oui? Ah, moi aussi, juin. T'es Gémeaux? Oui. Moi aussi. Ah, voilà. Si tu étais... Moi, c'est le début, le dos. Si tu étais un membre corporel. La main. Oui. Pour tirer, entre autres, le carré. Si tu étais un moment de la journée. Aux 6 heures du matin. Oh! Comme la chanson du tronc. Si tu étais... Non, c'est 5 heures. C'est 5 heures, lui, c'est vrai, oui. Mais c'est une heure de plus, sans doute, au Québec. Si tu étais un autre individu. Un autre individu. Mon mari. Oh! Ah, c'est bien. Si tu étais... à choisir, est-ce que tu ferais le même chemin? Non. Tu veux pas aller plus loin dans ton... dans ta négation? Non, c'est pas ça. C'est mon mari, parce que c'est la... Mon mari, c'est la personne la plus fascinante que je connaisse. Oh! Vous êtes ensemble depuis combien d'années? Très peu de temps. OK. Ah! Et tu as trouvé vraiment l'homme qui te convenait. Ah, mais c'est bien. C'est bien de trouver sa voie, de trouver... Il est pas parfait, il est... Il est humain, quoi. Comme il est même pas très beau. La beauté intérieure est plus importante. L'essentiel est invisible pour les yeux. Même Baudelaire, il est très particulier. Au moins quand il se ressemble à ressembler à trop de personnes, on se noie. Donc en étant un peu spécifique, un peu singulier, c'est ce qui est attirant pour certaines personnes. Vive la différence. Oui, il est très spécifique. Oui. Et est-ce que tu travailles de plus en plus en tarot ou s'il y a des moments où tu dois te ressourcer, t'arrêter et... pour prendre des vacances, entre autres, ou pour te réapprovisionner, te ressourcer, te régulier? Oui, c'est compliqué parce que c'est compliqué. Oui. C'est compliqué d'entendre la souffrance des autres. Oui, puis c'est compliqué, moi, de... Par exemple, tu vois, il y a des jours, on est parti avec Sébastien, mon mari, au week-end, deux jours. Il s'est trouvé que j'avais des consultations avec des décalages horaires. Mmh. Los Angeles et... la Martinique. Et on s'est engueulé parce qu'il m'a dit, mais arrête. Je peux pas. Donc voilà. Mais tu fais ça au téléphone ou via Internet? After me, a great thing for me, I don't worry, and I don't think, because it's not my job to worry or to think, not me, I'm more like, every day I'm here, I'm grateful, and that's the gist of it. Now you may call that a bogus bullshit, new age point of view, but check out my tattoo. Says Walt Wolfson. Does everyone know everyone? Mr. Walt Wolfson. Meet Dr. Well. That cool Papa Bell. The fastest man on earth did dwell as Papa Bell. Motherfucker, ugly word, ubiquitous and often heard as a substitute for someone's Christian name. And I think, yeah, the word is ugly all the same. Ugly, got a chase to make. It's not like every rodent gets a birthday cake. Nor is your chipmunk. How cute is that? But you motherfucker, are a filthy rat. And well, is it true, Papa Bell, that the beauties go to heaven and the ugly go to hell? Cool, Papa Bell. Not you. You stay and explain the suffering and the pain you caused, the thrill you feel when evil dreams come true. And check out my tattoo. It says wall to wall fun. Does everyone know everyone? Mr. Wall to Wall Fun. They got the well. The cool, the Papa Bell. The fastest man on earth they dwell as cool Papa Bell. Never gonna stop. You never gonna stop. You never gonna stop. Bah là c'était par téléphone internet. Ok. Par contre j'ai pas vu CO2. Et lui il trouvait que c'était trop. Ouais. Et il a commencé à avoir une petite engueulade. Non? Oui. Ouais. C'est ce qui reforme un couple aussi. Oui. C'est vraiment... c'est pas important. Oui. Moi, je me dis, putain, tu déconnes. Est-ce que tu crois faire ça longtemps encore, le tarot? Est-ce que c'est une... est-ce que c'est une question à long terme, un travail à long terme qui ne finit c'est jamais? C'est ce qui me plaît, carrément. C'est le truc qui me plaît le plus, c'est de m'imaginer à 90 ans pouvoir continuer à le faire. Ah oui? Où je veux, quand je veux, comme je veux. Il n'y a pas de retraite dans ce milieu-là? Mais je m'en fous. Oui. Ouais. C'est pas, tu vois... Ça te passionne. Il y a un mot, c'est la passion. Oui, puis... comme tout le monde, j'irai une retraite ou pas. Le fait de me dire que quel que soit l'endroit, le temps, l'âge, je peux continuer de pratiquer, ça me semble être une liberté énorme. Oui, effectivement. Mais puis faire ce que l'on aime, c'est toujours plus constructif et... Oui, voilà. Qu'est-ce que j'irais me poser comme question? Est-ce qu'on peut arriver à bien en vivre de ce travail-là? Alors, il y a plusieurs façons d'en vivre. Il y a la façon rapide, où là, on se fait laminer. Quand je me suis lancée, j'avais d'autres moyens de subsistance. Donc j'ai été lente. Et Dieu merci. Ok. Donc, qu'est-ce que tu en as tiré de cette conclusion-là? Comme le reste, comme plein de trucs, si t'es pas honnête, tu gagnes très vite, très fort. Et tu te casses la gueule. Ouais, c'est ça. Très fort. Ouais, exactement. Quand tu montes de haut, c'est plus difficile de faire quand tu tombes. Oui, moi j'ai commencé, mais vraiment... Petit à petit. Ben merci de ta présence et j'ai été très heureux de te rencontrer. Parce... Mais, en fait, j'ai pas compris ce que tu voulais. Ta radio, explique-moi. Ben CKRL, c'est très intéressant parce que tu vas voir, CKRL est une radio communautaire. La première radio communautaire francophone au monde. Donc, on a donné la chance au Carbone 14, au Super Nana, à la FES de s'émanciper dans les... Ah, c'était mon voisin, la FES. La FES, ben, je devais le rencontrer, mais là, il est parti en tournage. Et ça fait 3 ans que j'essaie de courir après, mais à un moment donné, tout va arriver. Il ne faut pas précipiter les choses. C'est ça, là. Et donc, c'est CKRL qui s'est présenté en France, en Suisse et en Belgique pour raconter un peu ce qu'on faisait comme radio. Et ça a donné aujourd'hui des radios comme Libertaire encore qui existent. Et c'est CKRL qui est la première à avoir été fondée à Québec en 1974. Et les radios associatives pirates ont commencé ici en 81-82. Et les Supernanas, ben là, ont fait l'ouverture de... a désacralisé la radio, a désacralisé les idées, se sont émancipés et ça a créé vraiment la liberté absolue du discours. Donc c'est CKRL et le fondamentalement la première radio. Et d'accord, alors j'ai plusieurs questions. J'ai une émission de variété qui s'appelle Errance Reynaldienne. Errance rénaldienne, mon prénom c'est Rénal. Alors, errer, on fait de l'improvisation sur l'absurde. Et suite à ça, la dernière heure, c'est mes rencontres radiophoniques à Paris, ici. Donc, je reçois des artistes, des créateurs, des journalistes. J'ai des gastronomes, des astrologues, plein de personnes qui seront diffusées à mon émission à travers de la musique. Et donc, on entre dans la vie, dans l'univers oui. des individus. Et c'est l'intérêt. Et les auditeurs, ce qui les font écouter mon émission, c'est en fait le discours qui est humaniste, la rencontre qui est simple. C'est comme si ils étaient ici avec nous et c'est comme s'ils prenaient un café avec nous et ils sont présents, on nous écoute. Et on aime bien le côté humaniste et libertaire de mes rencontres. D'accord, mais par exemple, oui. Là on a discuté, oui. Qu'est-ce que tu en retiens, qu'est-ce que tu en fais? Ce que j'en fais, c'est que je présente la totalité de ma rencontre avec toi. À travers ça, je fais des boucles de 10 minutes et après j'introduis des chansons parce qu'on ne peut pas présenter. Mais en fait, tu m'as enregistré. Ben oui, ben ça c'est des enregistreurs. Ça c'est des enregistreuses. Ben oui, c'est de la radio. C'est de la radio. Oui, parce qu'à un moment donné, je ne comprends pas. D'accord. Its desolate eyes, miles from the sunrise, the darkness inviting a tomb. The insomniac's lullaby. A siren is playing its song in the distance. The melody rattles the old window frame. Gradually, angels reveal their existence, and there's nothing and no one to blame. Oh Lord, don't keep me up all night, side by side with the moon. Alone in the bed, the season ahead is winter that lasts until June. The insomniac's lullaby. Say all roads lead to a river. Then one day the river comes up to your door. How will the builder of bridges deliver us all to the faraway shore? Oh Lord, don't keep me up all night with questions I can't understand. While I wrestle my fears, the sound in my ears is the music that's sweeping the land. The insomniac's lullaby. Sleep. soft as a rose, the light from the east, as if all is forgiven and wolves become sheep. We are who we are, or we're not, but at least we'll eventually all fall asleep. Couple in the next room, bound to win a prize. They've been going at it all night long. Well, I'm trying to get some sleep, but these motel walls are cheap. Lincoln Duncan is my name, and here's my song. Here's my song. My father was a fisherman, my mama was a fisherman's friend, and I was born in the boredom and the chowder. So when I reached my prime, I left my home in the Maritimes and headed down the turnpike for New England. Sweet New England. Holes in my confidence, holes in the knees of my jeans. I was left without a penny in my pocket. Well, ooh-wee, I was about as destitute as a kid could be, and I wished I wore a ring so I could hock it. Seen a young girl in a parking lot. She's preaching to a crowd, singing sacred songs and reading from the Bible. Well, I told her I was lost, and she told me all about the Pentecost. I seen that girl as the road to my survival. Just later on, the very same night, she crept to my tent with a flashlight, and my long years of innocence ended. Well, she took me to the woods saying, here comes something that feels so good, and just like a dog, I was befriended. I was befriended. What a night, oh, what a garden of delight. Even now that sweet memory lingers. I was playing my guitar and lying underneath the stars, just thanking the Lord for my finger, for my finger. Thank you. Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois.